Mort inexpliquée de personnes âgées après les vaccinations contre le Covid. Dans le monde entier, on signale de plus en plus de décès de personnes âgées dans des maisons de retraite après la vaccination contre le virus Covid-19. Voici, comme la partie émergée de l'iceberg pour ainsi dire, un petit extrait en provenance d'Allemagne. Berlin. Après la campagne de vaccination, au moins 6 des 32 personnes âgées vaccinées meurent. Dessau. 2 morts après vaccination en maison de retraite. 13 morts dans la maison de retraite de Schwäbisch-Gmünd, qui sont ensuite passés à 18. 8 morts dans la maison de retraite de Miesbach. 13 morts dans la maison de retraite de Leverkusen. 15 morts dans la maison de retraite de Leverkusen. Leipzig. 16 morts dans la maison de soins infirmiers am Auenwald. Maison de soins Emsteck. 5 morts très infectés après le rappel. Il est frappant de constater que dans presque tous les cas, les autorités, les administrations nationales et les principaux médias nient avec véhémence l'existence d'un lien de cause à effet entre les décès et les vaccinations contre le Covid-19 effectués peu de temps auparavant. Cela suscite le soupçon. Lorsque 13 des 38 personnes âgées sont mortes après avoir été vaccinées contre le Covid-19 dans une maison de retraite d'Ulmingen, région du Berlingen au bord du lac de Constance, fin 2020, début 2021, une équipe de résidents courageux et concernés a entrepris de faire la lumière sur les liens manifestement obscurcis de façon intentionnelle. Yannis Tubner de Umberlingen.fm a réalisé un impressionnant film documentaire à ce sujet. Vous pouvez le regarder en allemand via le lien suivant.